Ah, c'était bon ça. Ah ouais, ouais, Billy Paul, You Song pour vous sortir du lit, vous qui venez d'arriver de notre radio 96.2 FM à Bandia. Ouais, c'est ce qu'on dit, bonjour en portugais. Ça va la famille? Monsieur Ferriac là, ça va monsieur Ferriac, en pleine forme, merci moi aussi Francky. On est en live et ça fait du bien de vous retrouver. Sur l'arc-en-ciel avec un maillard, on est trop de repos cette musique, j'adore. Ça fait du bien hein, pour le matin. Heureux d'être là, salut Pascal, merci d'être là Francky, de retrouver ta belle voix le matin. Bon, on a des voix pourries, hein. Bah ouais. Du côté de Saint-Jean-de-Bray aussi, Élise, salut Francky, belle journée. Bah ouais. Ah, j'ai perdu une fan apparemment. Gims qui arrive. Miami, on est en live et ça me fait vraiment, vraiment zizir de vous retrouver. Qui chuchote dans mon crâne, le temps qui passe, les visages fans, mais je reste imperméable. Je fonce en tas, je mets les pleins bas. Dans le feu d'action, j'attrape mon arme, une balle s'échappe. Je peux plus repousser chemin trop tard, maintenant je suis dans le mal. J'allume ma clope au volant de cette spirale infernale. J'ai fait ce qu'il fallait, même si tout ça. Souvent ça finit mal, difficile de voir des larmes à travers les flammes. Dois pouvoir voter, souvent ça finit mal, difficile de voir des larmes à travers les flammes. Mon âme à la dérive, l'impression d'être libre. Dans mes yeux tu peux lire, je reste ferme et solide. Encore une fois, je creuse les gardes. Encore une fois, y'a pas de bluff, je joue carte sur table. J'entends ces voix tout près de moi qui chuchotent dans mon crâne. Le temps qui passe, les visages fans, mais je reste imperméable. Je fonce dans ta tête, je mets les pleins bas. Dans le feu de l'action, j'attrape mon arme, une balle s'échappe. Je peux plus repousser chemin trop tard, maintenant je suis dans le mal. J'allume ma clope au volant de cette spirale infernale. J'ai fait ce qu'il fallait. Tout ça torture l'esprit, j'assume mes erreurs. J'ai la conscience au bout du fil, ma tête est ailleurs. Ne parle pas de savoir-vivre, je suis la preuve vivante que la vie n'est qu'un film. J'ai fait ce qu'il fallait. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Ah ouais, le matin c'est bien, c'est Francky dans la radio avec une voix toute douce pour vous réveiller, vous sortir du lit, vous êtes encore sous la douche avec 47 TR qui arrivent. On avait dit tellement de choses. Ils arrivent. Hey, on n'aura jamais le temps de tout faire, on n'aura jamais le temps de remettre le couvert. Je vais essayer tout un tas de vies que je ne connais pas. Une vie ne suffit pas, faudrait que j'en tape une douzaine. Je veux d'une vie que j'ai pas connue ou que je connaîtrai jamais. Genre des trucs comme Lucas Tony ou bien Jamel. J'irais bien casser des gueules si j'étais boxeur. Tester la vie d'Adèle après la vie de bonne sœur. J'aurais bien fait absolument tout ce que j'ai pas vécu. J'aurais bien fait du rap de test, mais je connais pas la rue. Ma force de vous écouter, on fait j'y plaquette à couper. Je pense que je pourrais faire tourner un terrain dans mon avenue. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je vais essayer cette vie, je vais essayer celle-là et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je vais essayer cette vie, je vais essayer celle-là. Souviens-toi, on avait dit, quand on était des petits, peu qu'on ferait une équipe et qu'on irait vers les zéniths. C'est bien parti, on a quitté notre table, on est prêt pour se bailler. C'est la mienne. S'il y a une vie après la mort, je sais pas si je referai la même. S'il y en a pas, je sais pas si je dois faire attention à ma vie. Est-ce que je meurs d'audé dans 10 ans ou je vis jusqu'à 80 piges? Je pense que j'ai la meilleure vie, mais je peux pas savoir si j'ai tant. Je voudrais des vies à l'infini, au moins je ferai moins d'efforts. J'irai dessiner, faire du ciné, ça me fascinait avant de ciné. Ce qui est décidé, c'est que j'essaierai de laisser avant ma mort. Dans tous les cas, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Demande à grand-père s'il est vraiment content d'avoir son âge. Célibataire cherche l'amour, l'amour recherche à être seul. On s'habitue trop vite, je ferai toujours partie de ceux qui. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je vais essayer cette vie, je vais essayer celle-là et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je vais essayer cette vie, je vais essayer celle-là. Souviens-toi, on avait dit, quand on était des types, qu'on ferait une équipe et qu'on irait vers les zéniths. C'est bien parti, on a quitté notre table, on est prêt pour se bailler. J'adore ce mec, 47 TR avec on avait dit sur la radio couleur, on est heureux d'être là, 7h14 en live. Coucou à Stéphano, du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle, salut Francky, on avait dit qu'on irait au boulot ce matin. Il est marrant lui. Bah oui, il faut y aller un moment, il faut gagner un peu de thunes aussi, hein. Heureux d'être là, l'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. Et l'horoscope, ce sera tout de suite avec les béliers. Une journée éblouissante côté cœur en couple. Attention tout de même à ne pas provoquer la jalousie de votre partenaire. Les taureaux, Mercure, planète de l'intelligence et de la négociation, permettra d'améliorer vos relations avec votre conjoint ou conjointe. Les gémeaux, grâce à Vénus, les couples déchirés se réconcilieront ce matin, peut-être ce soir, sous la couette. Ah ouais, les cancers, ah, attention, sous l'influence de Vénus, vous ne ménagerez pas vos efforts pour consolider vos liens conjugaux, des efforts qui déboucheront peut-être dans votre vie amoureuse. Ah, ça c'est bon ça. Les lions, méfiez-vous des dangers de la routine dans votre vie de couple, améliorez-vous. Ben ouais les lions, arrêtez de rugir un peu. Les vierges, vous aurez l'occasion d'approfondir votre relation avec votre partenaire et ça sera certainement aujourd'hui. Donc les lions, les vierges plutôt, passez à l'action un petit peu. Les balances, misez sur la franchise, ah, ça c'est important, hein. Et la discussion avec votre partenaire. Les scorpions, célibataires, bien des joies et d'heureuses surprises vous attendent dans votre vie sentimentale. Les sagittaires, Mercure, imprévisible, influence votre secteur en amour en réservant des surprises pour votre couple. Les capricornes, sortez, voyez du monde, bref, évitez à tout prix de vivre en vase clos. Les Verseaux, Mercure annonce beaucoup d'échanges dans votre couple, vous vous épaulerez efficacement. Et enfin, les poissons, les poiscailles, vous nagez dans le moteur. Non, elle est facile celle-là. Vous serez d'humeur plutôt désabusée aujourd'hui et aurez tendance à considérer votre vie conjugale comme une question secondaire. Ah, l'amour, toujours l'amour. On est en direct, c'est Francky dans la radio. Et puis, c'est vrai qu'Aya Nakamura, j'aime pas trop cette fille. Juste ce petit remix qu'on a connu tout au début d'Aya, et j'aime bien. C'est Comportement, le remix de la radio. Voici Aya Nakamura sur la Francienne. T'es gentil dans des maravans, les coups de moi misés. Mette la foi dans tous les gays. Vini dans ses bras, bisous à topé. Ici c'est grâce à nous dansons frais. De Paris à l'île aux Cés. L'île de la Réunion, bah justement, l'île de la Réunion, en ce moment, il fait 24 degrés. Ouais, bah chez nous, il fait plus chaud, on vous en parle. La météo. La météo pour aujourd'hui, des bonnes nouvelles. Alors, le ciel est assez nuageux ce matin, mais normalement, il devrait faire chaud. On va aller jusqu'à 30 degrés. Demain, encore pareil, assez chaud. Ça devrait se dégrader un petit peu ce week-end, vu Météo France. Mais normalement, la pluie ne devrait pas faire son apparition. Ne devrait pas, j'ai dit. On verra bien ce week-end. 7h25 avec le meilleur des souvenirs. Bella Ciao, ça forcément, ça vous rappelle de très très bons moments. On est en direct 96.2 FM. Ce matin pour sortir du lit si vous venez d'arriver du côté de la radio avec Thierry Cam qui reprend les yeux revolver version Zouk. Renette là, c'est Francky dans la radio. Belle journée et bon réveil. Un peu spéciale, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues. Je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort. Tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre. Les mains tendues, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Sur des malentendus, on vit toujours des moments défendus. C'est comme ça, c'est comme ça. Hey, tellement si femme quand elle mord. Oh, oh, tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Son corps s'achève sous des rats inconnus. Je devine des moments défendus, c'est comme ça. C'est comme ça. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, des cheveux en arrière. Et j'aime ça. Tellement si femme quand elle sort. Oh, ouais. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Revolver, et belle reprise, un tiré comme Océan, qui chantait ça à l'époque, et là les yeux revolver, la reprise de Marc Lavoine, on adore, et ouais, et puis il sera là tout à l'heure. La chronique de Fabien. Et ouais, Fabien Dumas qui sera là vers 8h je pense, pour nous parler de culture aujourd'hui. Bah pas la culture du maïs, hein, culture de la musique, des bons plans sortis. On l'adore, Fabien à la radio, il sera là vers 8h je pense. J'espère qu'il sera là, qu'il sera à l'heure, parce que c'est un motard lui, il arrive en moto le mec. Hein. Il rigole pas, hein. Heureux d'être là, salut à Joël qui est là, salut Olivier, salut Pascal, salut Antoine. Ah il y a du monde ce matin, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos petits messages comme ça, d'amour, dès le matin, tequilo, c'est école. Que arriba el pitbull. El blanquito mandito con el negrito. El cana. History in the making. Mapio. Dale. El negrito. El negrito. Oh. Dale. En mi cama yo me vuelvo loco. Si tú me faltas. La ropa que aquí no se duerme. Quiero besarte y hacerte el amor como te gusta a ti. Si te gustan los mayores, mira lo que tengo aquí. upper level in time. You should do me like I do you, but never do me no favors. Don't do it, oh baby, no, no. Give it to me, I give it to you, but then I don't want your favors. Just give me your loving. You should do me like I do you, but never do me no favors. Don't do it, oh baby, no, no. Give it to me, I give it to you, but then I don't want your favors. Just give me your loving. Mais quel souvenir ce titre, le remix des Tempers en 84, No Favor, au revoir d'Etelin. Salut Elodie, Francky, merci de nous faire revivre les bons souvenirs discothèques. Ouais, bah normalement les discothèques orléanaises devraient réouvrir au mois de septembre. Et puis ce petit remix à la Francky qu'on adore le matin à la radio pour bien vous réveiller. Un petit Ed Sheeran avec Police, avec Toto, le remix de Best of Music. Heureux d'être là, salut Antoine qui est là, salut Francky, belle journée. Belle journée, ouais. Non, c'est pas une vieille photo, c'est une vieille photo. Oh, pas, 7h37 du matin. Coucou du côté de Saint-Yves, on nous écoute là-haut. Estelle, salut Francky, merci de nous donner la patate dès le matin. Voulez-vous un café, un thé, un chocolat, chichi, chouchou, on prend un peu sur le bord de la plage. Le meilleur des remix, c'est le matin sur Radar France, on est en live et ça me fait plaisir de vous retrouver avec cette belle reprise de Abba qui arrive. On est en live, 96.2 FM. Voulez-vous et je vous vois chanter sous la douche. Chantez mal, hein. Abba, remixé par Angel. Si tiene frío, ¿quién te da calor? ya nadie lo hace como yo. Si te viste bonita no te dice nada. Y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que él te trata mal y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer. A mí tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Que seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo. Que eres una porquería. Esta la hice para él. Cuando la escuche, quiero estar ahí. J'adore ça, Nicky Jam, le matin, un peu de soleil pour vous réveiller. Joël, tu le dis d'avant. Ah oui, je veux mon Francky. Bah oui, nous aussi on veut plein de choses. Il y a Lionel aussi qui me dit, est-ce que je peux passer boire un café, Francky? Bah ouais, vas-y, yo-yo. Si t'es dans les parages du faubourg Bagné, bah viens nous voir. Hein. Le meilleur des remix, le matin à la radio, avec les Magic Six qui reprennent Boney M, Rasputin. Ah, ça nous rappelle les bons souvenirs à l'époque, quand on était jeune. On était beau, on avait des muscles, on avait des abdos. Maintenant c'est fini, c'est mort. Rasputin, le remix. Rush along the coast. He was big and strong. His eyes were flaming glow. When people look at him with terror and the fear. The monster of the cheeks. He was such a lovely tear. He could preach the Bible like a preacher. Full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher. In every your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're Des cheveux, hein. Moi c'est pas facile, hein. Ah ouais, pas facile de chanter avec des cheveux aujourd'hui. 7h51 minutes. Rosa qui est là. Salut Francky, merci de nous rappeler des bons souvenirs. Bah attends, j'en ai d'autres, hein. Le matin comme ça pour vous réveiller, vous qui allez au boulot, qui allez à l'usine. Eh ouais, il faut aller gagner un peu de thunes, hein, ce matin. Envoyez-moi des chèques, hein, à la radio. Ça me complétera mon fin de mois. Ça serait sympa. Un blues, ça arrive, c'est le meilleur des souvenirs. C'est le matin, il est 7h50. Yo, listen up, here's the story about a little guy. Lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've been need of a dime. Parce qu'à 8h là vous vous dites oh là là quel souvenir. C'est ce que me dit Stéphanie Abreu. Elle me dit Frankie, les souvenirs du boombox, Blue, un FL65, un Blue Balloni. Bah ouais. Du lundi au vendredi, c'est Frankie au réveil, 7h-9h. Bah 7h-9h, puis là je peux vous dire on va faire des jaloux dans la radio. Le matin de bonheur, on fait des jaloux parce que bah on est les seuls à jouer Jean-Luc Play. Bah ouais, on est les seuls, mon vieux Jean-Luc, interdit au moins de 16 ans, attention hein, ça va être femme. Je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Et je prends racine en toi, femme, femme. Je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Choper dans la bagnole en train de chanter. Si, si, je viens de vous choper sur mon vieux Jean-Luc Lay. Je sais pas quel âge il doit avoir, hein, au moins 60 balais. Hein. Passé, facile, hein, ouais, femme. Femme, foot, bah, justement pour toutes les femmes ce matin. Ouais, pour toutes les femmes de plus de 18 ans, bien sûr. Ouais. Du son qui arrive, et puis notre chroniqueur Fabien Dubin dans quelques minutes. Koons, je peux vous dire, ça va être le son de l'été. Ça, hein, je peux vous dire, vous allez danser là-dessus, faire la fête. Voici le tout nouveau Koons, Never Gone Back to Home. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. Écoute, et ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la tête le matin. Allez, on sait là presque 8h le nouveau Kungs, Never Crying Home. Je vous le disais, Jean-Luc Lahaye, bah c'est bon, j'ai la réponse, Joël, qui me dit il a 68 ans, il connaît apparemment. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont foutu ensemble. Il y a même Olive qui chante dans la bagnole. Ouais, si vous croisez la Porsche rouge là, hein, qui est deux mecs qui chantent dedans sur Jean-Luc Lahaye, appelez la police, vous faites le 17, tout de suite, je vous le conseille. Allez, direction l'Italie, Forza l'Italia, et puis coucou à Stéphanie qui est du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Salut Francky, merci de nous mettre du son comme ça qui nous réveille. Bah justement là tu vas te rendormir ma chérie. Bah ouais. Ah, rappelez-vous à l'époque l'Islo, ça arrivait, un quart de boule à facette et ça y est on emballait une meuf. Ou un mec, ça dépend des boîtes. Hein. Vas-y Rose Ramazzotti sur la radio couleur. A far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Se già, basta se già, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allontanando. Dedicato a tutti quelli che ancora niente e sono ai margini da sempre, oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, e bene, finché diventa di un solo colore, più vivo che. Ah, il y a Fabien Dumas qui vient d'arriver dans les studios, il a un beau t-shirt, je peux pas, j'ai quoi? J'ai sabre laser, ouais, je sais pas ce que ça veut dire, on va en parler avec lui après. Je sais pas ce qu'il me trafique le Fabien en ce moment. En tout cas toujours aussi beau gosse hein, les filles, si vous voulez le pécho, il est là. Hein. Ou les mecs hein, ça dépend. Du lundi au vendredi, c'est tranquille. Ah ouais, c'est tranquille. 7h-9h, le son qui vous a fait danser il y a quelques années. Eh, un petit tour du côté de Saint-Tropez là. Hein, le teint, allez, les cheveux jusqu'aux épaules, 1m80 à l'époque, j'étais comme ça. Bah, j'étais beau gosse. Avec DJ Antoine. Bon, tiens, on voit le plus celui-là. Il est mort ou quoi? Non? Appelez-moi. 02 38 43 48 00. Welcome to Radio Arc-en-Ciel, welcome to Saint-Tropez. Avec le gendarme. Ah ouais, les gendarmettes. J'aimais bien ce film-là, moi. N'importe quoi le matin, n'importe quoi. 8h03. En direct avec cette fameuse Porsche qui roule sur Orléans, décapotable. Si vous la trouvez, vous me faites une photo, vous me l'envoyez et je vous file les places de concert. Eh, pas mal hein.

Ah, c'est bon, je te c'est bon, là. Voilà, c'est parti. La chronique de Fabien. À chaque fois que j'envoie le jingle, tu me files 10 euros. Hein. Là, c'est bon. 10 euros, ok, ça marche. Bah, c'est parti. Bah, une fois par semaine, c'est bon. La chronique de Fabien. Ça va mal. Je vais être lourd ce matin, mais je vais faire le mec blindé. Ouais, bah, ouais. La chronique. Et on est lourd, c'est lourd. Tu m'attends, je vais retirer les sous. Fabien Dubin, bonjour. Bonjour Francky, bonjour à tous et à toutes. Comment il va bien ce matin? Bah, écoute, ça va. Pas mal, ouais. Faudrait que tu m'expliques ton t-shirt, je viens de lire. Je peux pas, je sabre laser, bah c'est une référence à Star Wars, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est un film normal ça. C'est un film normal qui est un peu vieux maintenant. C'est un film érotique, non? Non, Star Wars. Sabre laser. Ah ouais, non. Pas cette version. Non, c'est pas Rocco Siffredi, non, c'est vraiment tout bête. Tout bête. Chewbacca. Ah ouais, Chewbacca avec les poils et tout là. Je crois que j'ai jamais vu Star Wars. C'est vrai? Je crois, je suis pas sûr. Mais je crois qu'on est pas, on est nombreux dans ce cas-là. Non, mais sérieux, hein. Moi, j'ai jamais vu ce truc-là. Mais il y en a quelques-uns, je pense. Ouais, faudra que j'aille voir. Vous devez être 10 dans le monde à pas l'avoir vu. J'aurais une cassette vidéo chez moi qui doit traîner. Je vais regarder ça au magnétoscope ce soir. Bah écoute, ouais, vintage, tranquille. Hein, bah moi, je suis vintage, hein. Moi, j'ai encore le Minitel, hein, la baraque. Hein. Bah bien sûr. Ouais. Bah tant que ça marche. Ah bah je suis comme ça, moi. Faut rien jeter. Et ouais, je vais encore à la discothèque, là, à Saint-Y, là. Encore, j'y vais encore en mobilette, hein, là-haut. Hein. Ouais, en centre SP. En centre SP Sport, hein. Je l'allais dans les buissons, hein. Avant, j'allais à l'Exonike, mais j'y vais plus maintenant. Non, c'est fini, ouais. C'est fini. Non, faut changer un peu. Faut faire gaffe, faut pas faire tomber son portable par terre. Hein, ouais, c'est dangereux comme bâtard. Salut Fabien, ça va? Bah écoute, tranquille, ouais. Faut bien rigoler le matin. Ça sert à ça aussi. Ça sert à ça de vous réveiller. Si on réveille pas les gens dans les voitures, au bureau. Ouais, ils font la gueule, les gens. Là, ils sont dans le ciel, ils font la gueule. Ouais, parce qu'en ce moment, c'est un peu bouché. Ouais, c'est bouché. J'ai envie de dire, en ce moment. Il y a des travaux, là, Fleury-les-Aubrais, dans l'ancien. Et je me suis fait avoir, moi. Mais je crois que c'est un peu comme ça tous les ans. Ouais, tous les ans, ils enlèvent l'herbe. L'herbe, et puis là, il faisait des saignées dans la route, alors je sais pas trop ce qui change. Il y a un mec qui faisait de la déco, il était en train de mettre un sapin de Noël. Je suis là, non, mais hier, je me suis fait avoir, et j'ai pris la tangentielle, et oui. Elle était bloquée dans un sens, tu sais. Donc je me suis retrouvé à Bordeaux. Je sais pas ce que je foutais là. Je sais pas ce que je faisais. Ouais. Non, mais ouais, c'est les travaux, l'été. Ah, les travaux, l'été. Ah, les sempiternels travaux de la tangentielle. Ah, la tangentielle. Ah là là. Ouais, faut en parler, hein. C'est important. On peut en parler si vous êtes sur la tangentielle, là. Justement, là. Vous êtes dans la bagnole, vous êtes sur la tangentielle. Vous êtes coincé. Vous gueulez. Et ben, au lieu de gueuler, appelez-moi. 02 38 43 48 00, je vous passe en direct. 02 38 43 48 00, je vous passe en live. Et vous gueulez à l'antenne, ok? Ça serait pas mal. Les bons plans pour sortir. Et ben, moi, je vous propose. Culturel. Culturel, hein, on va faire de tout un peu. Ce soir, tiens, mercredi 21 juillet, si vous êtes du côté de Jargeau ou ses environs, les tremplins de Jargeau ont repris depuis lundi. Et ce soir, le groupe Raos Park se produit à 20h30. C'est qui? C'est un groupe d'Orléans. D'accord. Voilà, et à la fin du mois, il y aura une finale et un gagnant ou une gagnante de ces tremplins musicaux. C'est bien ça. Sinon, vous pouvez aller cet après-midi sur Saran, dans le quartier des Sablonnières et au square Pierre Sénard. Parce qu'il y a de 15h à 22h des animations pour les enfants et puis les plus grands. Il y a de l'acrobranche, trampoline, des manèges, des crêpes, entre autres. On peut bouffer des crêpes là-haut? Bien sûr. Moi, je vais y aller, moi. J'adore ça, les crêpes. Et ben, mais avec modération. Non, j'ai envie de bouffer, moi. J'ai envie de grossir. Et à 20h30, le duo Noctambule se produira en concert. Ah ouais, d'accord. À Saran. Mais que la nuit. Noctambule, oui, à partir de 20h30. Avant la nuit, oui. Avant la nuit, il faut y aller. Après, c'est trop tard, ils sont partis. Je suis roi de la blague quand même le matin. J'ai des blagues, je sais pas où je vais les chercher. 84, les blagues, 1984. Ouais, mais c'est les meilleurs. C'est les meilleures blagues. C'est comme le vin. C'est comme les blagues à Toto. C'est les mêmes, c'est les mêmes blagues. C'est chaud dans les studios, non? T'as pas chaud? Bah écoute, il fait bon. Bah je suis arrivé, il y avait la clim, c'est moins 15. Et là, il fait plus 30. Il y avait les stalactites, tu vois. Alors les stalactites, je vous explique, c'est ce qui tombe. Quand on vous dit stalactite avec un T, c'est ce qui tombe. Et stalagmite avec un M, c'est ce qui monte. Voilà, une petite technique, hein, au cas où. Voilà, on sent le cours de biologie. Voilà, au cas où vous allez chercher les stalactites ce matin dans le supermarché. Voilà, le cours de Alain Fournier, 1982. Avec professeur... Mariotti. Mariotti, voilà. Bernard Mariotti. Je balance des nombres. Allez, comme ça. Allez, Fabien Dubin. Ce soir, si vous êtes du côté d'Orléans aussi, vous pouvez aller à la Payotte et le chanteur Sadou, excellent, un très très grand monsieur, se produira en live vers 19h. Ouais, d'accord. Sinon, demain soir, jeudi 22 juillet, à la Payotte, toujours à 19h, le duo Les Éléonores se produira son guitare. Ah, mais ils sont venus à la radio, les Ailes du Nord. Ils sont sympas, eux. Guitare, violon, avec Stéphane au chant. Au chant, c'est pas le magasin, fait pas de pub, moi, son regard. Non, au chant, à la chanson. Ah oui, d'accord, ok, ouais, je crois que c'était la bouffe, là. Ouais. Et puis, comme c'est toujours l'époque des guinguettes, à la Sardine, à Orléans, ce soir, le groupe Magon, alors c'est de la pop rock qui vient d'Israël, jouera lui à 20h. D'accord, ok. Sinon, dans les grands, grands spectacles aussi qui peuvent se produire cette année, il y a le Son et Lumière de Cléry. Ah ouais, bah comme tous les 10 ans maintenant. Parce voilà, COVID. Donc cette année ça se jouera le vendredi 23 et samedi 24 juillet. Et il y aura aussi le week-end prochain, le 30 et le 31 juillet. Mais en plus du spectacle cette année, vous pourrez prolonger l'aventure avec le banquet de la Libération. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est une ambiance un peu guinguette, et voilà, pour réserver votre table après le spectacle, ça peut être sympathique. Sympatoche, des bons plans avec toi en tous les cas ce matin, on se marre bien. Hein, c'est du lourd. Bah quoi. Et attends, c'est pas fini. Bah je sais, mais j'espère que c'est pas fini. J'espère que ça va durer au moins une demi-heure. Toi, je sais qu'aime bien le théâtre de Bouvard. Ah j'adore. Ah, ben, Philippe Bouvard. Voilà. Ah, j'ai commencé là-dedans moi. Et ben voilà. Et ben là, il y a du théâtre aussi au Grand Théâtre d'Orme. Ça sera aussi jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 juillet, donc ce week-end à 20h30. La pièce s'appelle L'échappée belle. D'accord. C'est une comédie d'Emmanuel Faventine. C'est pour tout public, à partir de 6 ans. Donc c'est au Grand Théâtre d'Orme. Et ben voilà, des bons plans. Fabien Dumas en direct sur la console qui vient faire sa petite chronique, Pépère. Pépère tranquille. Pépère avec son nouveau t-shirt, le sabre. C'est quoi déjà le t-shirt ? Je peux pas, j'ai sabre laser. Ouais, c'est cool. C'est un t-shirt pour les jeunes, ça. C'est pour les jeunes, à notre époque, on disait je peux pas, j'ai piscine. Ouais. Bah là maintenant, c'est je peux pas, j'ai sabre laser. D'accord, ok, d'accord. Ouais, je sens que je te passionne. Ah, tu me passionnes, parce que je reçois des messages en même temps. Mais écoute, si je te propose de sortir samedi, je sais que tu les as vus cette semaine. Ils sont venus cette semaine. La famille. Au 7. Ils fêteront leur 20e anniversaire de carrière, bien sûr. Ça passe. Hein. C'est la Jarry, le Nouveau-Orléans. Salut Benoît. Bah, j'ai eu au téléphone hier. Il m'a appelé la Jarry en privé, quoi. Bien sûr. Il m'a raconté sa vie. Non, Benoît. Benoît, salut mon pote. Donc, David. On les salue. Je pense qu'ils doivent être un peu excités à l'annonce de cette date parce que ça a été joué en décembre et puis ça avait été reporté. Ouais. Donc là, c'est samedi 24 au Parc du Poutil dans le cadre du festival La Bamboche à Olivet. La Bamboche, ça me fait penser au brevet à chaque fois. Ah bah, je pense que c'est en référence à ça. En référence quand il avait dit c'est fini les bamboches. J'espère qu'il va bien, l'ancien préfet, parce qu'il avait un problème de santé. Oui, il a eu un problème de santé. Malaise, là, ouais. On lui souhaite bon rétablissement. Ouais, salut, monsieur le préfet. Comme ça, ça évitera les fermetures administratives. Voilà. Cas où. Donc, là, j'arrive pour ses 20 ans à la Bamboche, Olivet, samedi 21h30. Pas mal, ça. Sinon, samedi, Clément Chouteau sera aussi à Jargeau, au tremplin de Jargeau, Jargeau Plage, à 20h30. Ça marche en ce moment, la plage à Jargeau, non? Tu n'as pas été, non? C'est installé, tout est installé. Ouais, je suis passé hier. C'est bon, ils sont prêts? Ouais, c'est prêt, tout est prêt. Ça a commencé lundi déjà. D'accord, ok. Ouais. J'irai faire un tour. Sinon, si vous êtes du côté de Beaugency, au bar La Cabane, le groupe Caméléon qui fait des reprises jouera à 20h30. Je les connais, ils se transforment. Ouais. Ouais. Ils viennent, ils commencent le concert sous une forme et ils finissent complètement différemment. Et ils sont cachés, on les voit plus. Voilà, c'est ça les stars. Donc Caméléon à la cabane à Beaugency. Caméléon. Et puis samedi, alors si vous êtes sportive. Ah bah moi sportif moi. Attention, j'ai bien dit sportive. Sportive, avec un VE à la fin. Avec un VE féminin. Ouais. Il y a le trophée de la rose à l'île Charlemagne. Et tu vas me dire, Francky, le trophée de la Rose des Sables à l'île Charlemagne. C'est un rallye, ça. C'est un tournoi de beach rugby. Ah, c'est le beach rugby, alors attends, beach rugby. Ah ouais, d'accord. Rugby de plage. D'accord. Féminin. Ah, c'est pour les meufs. Et organisé par l'association Orléans Rose Sportive. D'accord. Donc c'est filles. C'est que des filles, c'est de 9h à 20h. Si on se déguise, on peut y aller. Non? Écoute, j'allais dire fais des couettes, mais ça va être compliqué. Mais tu peux parler, toi. Il se fout de ma gueule, lui. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Sinon, on peut essayer, peut-être mettre une perruque. Moi, je mets une perruque avec une jupe, ça passe. Eh ben, écoute, je t'ai déjà vu en kilt, ça passe, moi, en kilt, je vais y aller en kilt. Bon, si après ça, dimanche, vous avez pas quoi faire. Vous savez pas quoi faire, eh bien, vous pouvez aller à Villers. Je vais à Chambord dimanche. Tu vas à Chambord? Ouais, je vais aller voir le château, comment il s'appelle, François? François 1er, c'est ça? François 1er, ouais. Non, c'est pas bien, lui, il était pas lui, le château? Ah, écoute. Je te pose une question, Lucol. À qui était le château? Envoyez-moi des messages. Chambord. À qui appartient le château, bordel? On va regarder vite fait. Regarde vite fait sur Wikipédia, parce que moi, j'y vais dimanche, je vais aller me rouler dans l'herbe, là-haut. S'il fait beau. Non, mais il y a, sinon, si tu aimes bien les châteaux, il y a Versailles aussi. Ouais, mais c'est plus cher. Moi, j'ai les petits châteaux, j'ai les petits moyens. Je vais aller voir Chambord dimanche. Alors. Et c'est François 1er, je crois, le mec qui était là-dedans, à qui squattait le château. Mais sûrement, hein. D'ailleurs, faut qu'il me le rende, le château, parce que ça va aller 5 minutes, les conneries. Il te l'a pas, toujours pas donné les clés? Ah non, toujours pas. Donc, tu disais quoi avant? Après sa mort en 1883, le domaine passe d'héritage au prince de Bourbon. Ah d'accord. Parme. Okay. Ouais. Ouais. Mais écoute, on en reparle tout à l'heure. Ouais, ouais, le temps ouais, que je fasse un petit exposé. Pas de problème, tu regardes. Une lecture et puis. On est en direct, hein, si vous êtes de l'autre côté, vous pouvez changer de radio, parce que là. Donc dimanche, pour un quart d'heure encore. Francky sera à Chambord. Ouais, voilà, c'est ça. Mais si vous voulez aller vous promener à Vienne-en-Val, vous avez les artistes dans l'herbe. Donc c'est une balade de 7 km à la découverte d'artistes et d'œuvres dans Vienne-en-Val. Ouais. Les départs sont libres hein, de 9h entre 9h et 15h et c'est le place de l'église. Place de l'église. Donc si vous voulez aller à l'aventure et aller au devant des artistes de la région, ouais. Artistes dans l'herbe à Vienne-en-Val. D'accord. Sinon à la Bamboche d'Olivier, il y aura Batlick qui jouera à 19h30. Pas mal ça. Et puis si vous êtes un amoureux des poires, des pommes et des pêches, des pêches, ça je sais que Francky t'aimes ouais, bien. Ouais, j'aime bien les pêches. T'aimes moi les pommes, les poires, les pêches et puis les Scooby-Doo. Bah par contre lui je crois qu'il est mort Sacha Distel. Ah ouais non t'es connerie c'est vrai. Bah il me semble. Oh je sais plus. On va regarder dans les morts les chanteurs qui sont morts. Donc ça c'est une conférence au parc floral de la Source qui est animée par Anne-Marie Royan-Pantin autour des pommes, des poires et des pêches. Et les Scooby-Doo. Et les Scooby-Doo. Des vergers d'hier à ceux d'aujourd'hui, une vocation fruitière qui perdure. Et ça c'est à 15h30 au parc floral. D'accord, au parc floral. Et les boules, le parc floral, ouais. Et les flamants roses là où toujours. Non oui, tout le flamant rose. Ils sont toujours vivants, ouais. Il y a quelques animaux, beaucoup de fleurs. Des ours, non, il n'y a pas. Non, je sais plus. Et des ours, il y a un grizzly, je crois aussi, ouais. Caché. Ah, qu'est-ce qu'on se marre le matin avec sinon, vendredi 23, samedi 24, dimanche 25, vous pouvez aller à la Galerie Empreinte à Orléans. Il y a une exposition du nouvel artiste Louis Stecken, ouais. Qui présente son expo 360. D'accord. Donc ça, c'est une expo de peinture à Orléans. Et ben voilà. Et puis sinon, si vous êtes du côté de la Ferté-Saint-Thomas... Ah, j'y vais au château. Au château. Ouais. Elle est sympa la mère de Fleury, la Ferté, là. Ouais, ouais. Je la connais pas personnellement. Ouais, je la connais, c'est une pote. Hein. Mais alors ça joue vendredi et samedi, c'est la Garden Party officielle. Donc vendredi, vous avez François Kahl, Jabberwocky et Joris Delacroix. Ouais. Et puis samedi, vous avez Chouchou Club, Anorak, le blaze, Anorak. Joachim Pastor et Bellecour. Ouais. Et c'est quoi, c'est de la musique ça? C'est de l'électro. Ah d'accord. C'est de l'électro de 21h en gros à 2h du matin. Quand t'as dit François, je disais François Feldman. Non, François Kahl, François Kahl. François Feldman, rien que pour toi. Oui, rien que pour toi. C'est bien Feldman ça. Qu'on salue, hein, qu'elle avait fait. Feldman. Feldman, qui ouais, avait fait quoi au Téléthon l'année. Oh putain, il a. Allez, tout le monde debout. Ah ouais, il avait fait la blague là. Ouais, au Téléthon. Malheureux. Ouais. Il a pas fait exprès le pauvre. Non, bah non. Bien sûr. Ouais, ouais, mais malheureusement, ça lui colle à la peau. Hein. Ouais, ça lui colle à la peau. Et on en parle encore. Et sur YouTube, il y a la vidéo hein, toujours. Hein. Ah là là. C'est les moments de solitude comme on les aime. Mais on l'aime bien. Mais on aime bien François. On l'aime toujours et toujours vivant. Toujours, bien sûr. A priori, oui. Ouais, ouais, j'ai vu sur Facebook, il fait des trucs là maintenant. Toi qui tiens un gîte maintenant. Ouais. Chez les bamboches. Moi j'ai un plan aussi, c'est à la Grange d'Orléans, 21 juillet, c'est aujourd'hui tiens. Oui, bah c'est ce soir. Ils accueillent Alex Fredo et monsieur Félix, voilà, pour une heure de folie, allez voir 19h30, c'est rue de Bourgogne. Hein. Eh ben très bien. Voilà, pourquoi pas. Il hein. y a de quoi sortir encore. La comédie sur place, ça fait du bien un peu de comédie. Tout hein. à fait. Beau t-shirt Fabien Dumas. Merci. Je reviens tout à l'heure avec mon exposé sur le Chambord. Ouais, avec Chambord, puis tu reviens à moins 10 sur on reçoit un petit coup de soirée, de sortie. Hein, allez, si ça marche. Bien. Ça te va? C'est nickel. Bon tu me dis hein, c'est ça va pas. Hein. On va se boire un café en direct avec mon Fabien. Porque tomando antioqueño es que podemos celebrar. Llegó el momento y viviré. Con mis amigos yo brindaré. Y en la mesa siempre una botella de aguardiente yo tendré. Con antioqueño para arriba. I got vez pedimos otra más, con antioqueño pa' arriba. Siempre una botella de aguardiente yo tendré, con antioqueño pa' arriba. Niki, ah, j'adore ce mec, c'est bon ça, c'est du soleil le matin. Justement, il arrive le soleil jusqu'à 30 degrés aujourd'hui, c'est bien ça, non? Pas bien. Ah bah, ça va, on va bronzer. On va se croire en vacances. Voilà, si vous êtes blanc, et ben voilà, vous allez pouvoir zébron ce matin et l'horoscope tout de suite qui arrive. Ne bougez pas, normalement il devrait être là l'horoscope. Voilà, si j'appuie sur le bon. L'horoscope, c'est maintenant. Il y a l'horoscope avec Fabien Dumas. Hey, machine. Remarque, tu pourrais faire un jour l'horoscope. Bah, écoute, si tu veux, j'ai les feuilles sous les yeux là. Ouais, ouais, copieur, il est en train de me piquer mes feuilles. L'horoscope ce matin, on démarre avec les béliers. T'es quel signe toi, Fabien? Verseau. Ah oui, c'est vers la fin. Hein, la fin. Les béliers, journée éblouissante côté cœur. En couple, attention tout de même à ne pas provoquer la jalousie de votre partenaire. Les taureaux, Mercure, planète de l'intelligence et de la négociation, permettra d'améliorer votre relation avec votre conjoint. C'est surtout sur les couples hein, ce matin. En ce moment, ouais, ouais, c'est important les couples. Ouais, t'es en couple toi? Un petit peu, ouais. Voilà, un petit. Oh bon, dis donc. Gémeaux. Grâce à Vénus, les couples déchirés se réconcilieront et tout rentrera dans l'ordre. Les cancers, ça c'est moi, ça. Hein. Sous l'influence de Vénus, vous ne ménagerez pas vos efforts. Vous consolidez vos liens conjugaux, des efforts qui déboucheront. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est positif. Les lions, méfiez-vous des dangers de la routine dans votre vie de couple. C'est mauvais, la routine, c'est toujours, hein. C'est pas bon là. Hey. La routine, ça peut créer une rupture. Ouais, ça peut user, ça peut user. Ça peut user, ça peut user les pneus de la bagnole et à un moment, il faut aller chez. Une sortie de route et voilà. Et voilà, une sortie de route dans le poteau, la pagne et voilà. Et c'est fini, votre vie. On change de bagnole. On change de bagnole et de femme. Ou d'homme. Les vierges, vous aurez l'occasion d'approfondir votre relation avec votre partenaire. Les balances, misez sur la franchise et la discussion avec votre partenaire. Toi, t'es franc, toi, en général, toi, Fabien? Ouais. Ça dépend. Ouais, si. Bah après, oui. Il y a la franchise et puis après dire les choses mais sans forcément blesser l'autre. Ouais, bien sûr. Ouais. Des fois, bon, ça arrange un peu. D'accord. Scorpion, célibataire, bien des joies et d'heureuses surprises vous attendent dans votre vie sentimentale. Et foncez là si vous êtes célibataire. Les Sagittaires, Mercure imprévisible influence sur votre secteur d'amour en réservant des surprises pour votre couple. Oula, moi j'aime. Ouais. T'aimes bien les surprises toi dans le couple? Quand elles sont bonnes, ouais. Ouais. Ah ouais, parce que des fois, c'est des mauvaises surprises. Des fois, t'arrives, tu dis, ah ouais, d'accord. Ah, des fois, t'arrives, t'as les fringues, ils attendent devant chez toi, hein. Il y a, enfin, la fenêtre, hein, ça arrive aussi, ça. Aussi. Capricorne, sortez, voyez du monde. Bref, évitez à tout prix de vivre en vase clos. Bah oui, c'est important. Bah, en ce moment, avec le Covid, c'est pas toujours facile, mais bon. Les Verseaux, ah, c'est toi, ça. Attention, alors, attention. Ouais. Mercure annonce, beaucoup d'échanges dans votre couple. Ouais. Ah voilà. Vous vous épaulerez efficacement. Donc, en fait, vous êtes bien unis tous les deux. Voilà. On vous épaulez, ouais, c'est bon, c'est bien ça de céder. Ouais, c'est bah, il faut s'entraider un peu, ouais. Voilà. Vous êtes poisson, et ben, il n'y aura pas de signe. Non, je suis quand le mec qui est dans la bagnole, il attend son signe. La semaine prochaine. La semaine prochaine, à 8h. Les poissons, vous serez d'humeur plutôt désabusée aujourd'hui et aurez tendance à considérer votre vie conjugale comme une question secondaire. Ah, c'est pas. Ouais, chacun sa priorité. Ouais, mettez pas ça au second plan parce que ça peut créer des problèmes. Hein. C'est sûr. Ah, bah, quand on délaisse un peu l'autre, ah, ouais, il peut partir. Et aujourd'hui, jusqu'à 30 degrés. Ça va, on est bien. Hein. On est bien, Tintin. On est bien, Tintin. Et on se retrouve à moins le quart, hein, Fabien Dumas. Allez. Moins le quart, allez. Moins le quart. On va parler de Chambord un petit peu. Et puis les bons plans sortis aussi. C'est parti. Clean Bandit. China Ball, I'm a rethink my never. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants her life. for a baby. All I know, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up there. Him, your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up do. Stay up so rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. In the hard life without no fear, yeah. Just see, I know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear. Cause you have to set things year after year. And you give me your love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Marry the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time, no time for your dear. Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, bang, bang, all right. Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells up there. Him your life ain't gonna be nothing like my life. On s'est en direct à 8h30 minutes avec Clean Bennett, Truck Bailey. Ah, j'aime bien ça, ça réveille, hein. Ouais, ça booste un peu le matin, ça. Voilà. Et ben, on va parler du pass sanitaire aujourd'hui. Ah là là, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent là. Hein. Ouais, ça booste moins, ça. On vous en parle. 7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Et ben, on vous accompagne peut-être pas dans, dans les lieux culturels et de loisirs parce que à partir d'aujourd'hui, le pass sanitaire devient obligatoire pour les lieux culturel et loisirs. Alors bah ouais, malheureusement, hein, si vous allez au ciné, au musée, dans des établissements sportifs, tout ce qui est sportif, et ben il faudra le pass ou alors un test PCR. Test PCR ou un pass, pareil pour les parcs d'attractions. Ouais, t'es vacciné toi? Ouais. Ouais, moi aussi, donc bon, je peux y aller, mais il y en a certains, ils prennent d'assaut les endroits où tu peux te faire vacciner. Ouais, ouais, ça c'est pris d'assaut apparemment, hein. Ouais, donc ça. Bah depuis les annonces du président la République, il y a quelques jours, voilà, c'est les vaccinations ont repris. Hein. Il y a le ministre de la Santé qui dit que en 24 heures, 18 000 contaminations ont eu. Déjà, ouais, c'est impressionnant. Hein. Bon, est-ce que c'est réel? Je sais pas, mais bon. Ouais, c'est ça. Après, les chiffres. Ouais, on est sceptique sur les chiffres. Il y a toujours une façon de montrer les chiffres. Hein. Alors après, faut pas non plus douter de tout, mais c'est vrai que bon. On nous avait déjà parlé du variant anglais qui était beaucoup plus contaminant et beaucoup plus sévère. Et puis finalement, il s'est avéré que quelques semaines après, il n'était pas si contaminant que ça. Il est reparti chez lui. Et puis maintenant, c'est le variant Delta qui est encore plus fort. Bon, ouais. Il arrive d'où celui-là, le Delta? Delta, c'est un petit pays. Ah ouais, entre Omega et puis Cyrus. Ah, je savais pas. Ouais, vous avez été carré ton histoire. Ah bah c'est les. Ah bah attends, j'ai révisé avant de venir. Ah bah heureusement, parce que sinon, on va parler de. Ils sont cousins avec les droites. Ah d'accord. Et les angles droits. Ah d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, il est sous de ma gueule. La bicyclette qui arrive. On va parler de Chambord vite fait. On va savoir à qui appartient le château dans 2 minutes. Hein. Et puis les bons plans sortis avec toi. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado.

j'aime bien. Ouais, j'aime bien, ça nous met de bonne humeur, hein, quand même, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, franchement, c'est toi déprimé, hein. Voilà. C'est sûr, mais ah, bon. Ouais. Mais bon, allez, réveillez-vous. Les journées des gens. Voilà. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Francky dans la radio, puis vous pouvez télécharger l'application Tous Anti-Covid. Tu sais, tu télécharges l'application. Ouais. Et puis quand vous êtes vacciné, on vous donne une petite feuille avec un QR code. Tout à fait, ouais. Là, vous scannez le QR code, ça vous le rend dans Tous Anti-Covid, et puis ça vous met vacciné, en fait. Voilà. Dans mon carnet, il faut aller dans mon carnet. Hein, vous allez dans mon carnet. Mon carnet. Et là, ça apparaît. Moi, je le vois, je l'ai fait, hein, vacciné. Voilà. Si vous voulez un petit coup de main pour vous aider. Francky passera dans les EHPAD du Loiret ce soir, installer l'application de santé Covid pour les plus de 75 ans et vous montrer où trouver votre passe vaccinal. T'es vraiment un enfoiré, toi. Je sais pas pourquoi, mais non. Moi, je vais pleurer. En même temps, je te verrais bien une petite initiation. De quoi? Faire une petite démonstration de téléphone portable et de smartphone aux plus anciens. Ouais, pourquoi pas. Bon, c'est pourquoi il n'y aurait pas droit. Bon, on va parler de Chambord. Ouais, Chambord. Alors Chambord, on en parlait tout à l'heure. Chambord, tout à fait. Et tu avais raison, Francky. Ah là là. On sent que t'étais pas au fond de la classe en cours d'histoire. Non, non, j'étais à côté du radiateur, moi. T'as bien retenu. Ouais. Donc Chambord a été construit sous le règne de François Ier, comme tu disais. Mais est-ce que tu savais à quoi il servait au départ, Chambord? Non. On voit un peu ce que c'est quand même, Chambord, la taille du château. Il est beau, hein. C'est un truc de fou, hein. Au départ, c'était destiné à être quoi? Je sais pas. Un pavillon de chasse. Ah ouais, Servir le week-end, tu vois. C'est un gros pavillon de chasse, alors. Donc voilà, et puis c'est très vite devenu le plus grand château de la Renaissance, de la vallée de la Loire. D'accord. Bah en tout cas, bravo Fabien. Et donc c'est dans les années 1500, au 16e siècle, que le château est construit. Ouais, d'accord. T'es déjà rentré J'ai déjà été une fois, mais longtemps. Et ben à l'intérieur, il y a un escalier qui est magnifique en colimaçon dans tous les sens. Ouais. Et c'est Léonard de Vinci qui aurait dessiné ce plan d'escalier. Donc c'est pas sûr. Mais voilà, ça lui ressemble un petit peu à Léonard, ça, genre de truc. Ouais, mon poteau, c'est un pote à moi, ça, Léonard. Bah, puis il était pas loin, il était à côté de Chambord, il était à Amboise, hein, Léonard de Vinci. Ouais, il habitait à côté de chez moi. Au Clos-Lucé, ouais, une belle maison dans Amboise qu'on peut toujours visiter aussi, hein. Ah, bah, on ira. Eh bah, écoute, on ira. Dimanche, tous les deux, si tu veux, on se tiendra par la main. Voilà. Allez, juste avant les bons plans avec toi, on va sortir. Ouais. Fabien Dumas. Ça marche. Qui levait? Je réalise, que mon officialise toi. Ah, j'appuie sur tous les boutons, moi. Je suis comme ça, la radio. Et ça marche bien. Bah, ça marche, hein. Ça marche, on est là. Heureux, Fabien, il fait beau aujourd'hui. Il fait chaud, quand même. Il fait beau, hein, il fait chaud. Enfin, l'été. T'es prêt? T'as de l'argent ou pas? J'ai un billet de 10. Eh ben, vas-y. Pas seul. La chronique de Fabien. Allez, donne 10 balles. C'est 10 balles chaque chronique. Des bons plans pour sortir avec toi, Fabien Dumas, si tu veux bien. C'est parti pour ce soir. On peut aller à Jarges aux plages, au tremplin musical avec le groupe Raos Park. Ça jouera à 20h30. C'est pour soutenir un peu les artistes locaux. D'accord, d'accord. Du côté de Saran, cet après-midi, entre 15h et 22h, dans le quartier des Sablonnières et au square Pierre Sénard, vous avez des animations, accrobranches, trampoline, manège pour les enfants. Mmh. Et à 20h30, le duo Noctambule qui jouera. Eh voilà, Noctambule, donc de nuit, non? De nuit, ouais. Parce qu'il commence en fin de soirée et termine, bah on les voit plus. Ah ouais, d'accord, bah il fait nuit. Donc c'est à voir tout de suite à 20h30 hein, ce soir, Noctambule duo. Allez-y avec une lampe torche. Et puis sinon, à la Payotte, vous pouvez aller voir et écouter Sadou en live vers 19h. Ah, j'aime bien Sadou. Ouais, très très gentil monsieur. Ouais, ouais, il est super sympa. Très bel artiste. Sardou, j'adore aussi. Aussi, Sadou, Michel. Ouais. Mon mimiche, qu'on passe le bonjour, qui nous écoute en ce moment depuis Cannes. Tout à fait. On continue demain soir, si tu as envie de sortir, le duo Les Eleonores que tu connais, Francky, sera en duo à la Payotte à 19h. Ah, j'adore ces mecs-là. Ils sont sympas, ils sont venus à la radio plusieurs fois. Ouais. Et ils ont vraiment le côté sympatoche. Et puis, si vous préférez aller à la Sardine dans une autre guinguette, eh bien, vous pouvez aller voir Magon demain soir à 20h. C'est du pop rock. Qui, Macron? Magon. Ah, j'ai pris Macron. Magon, Magon. Attention. Macron, pas envie d'aller voir, lui. Sinon, ce week-end, vous avez aussi le premier week-end du spectacle Son et Lumière de Cléry. Ça se passera vendredi et samedi, et puis le week-end prochain. Et en plus, cette année, vous pouvez prolonger l'aventure avec un banquet de la Libération. C'est un peu l'ambiance guinguette aussi. Hein. Ah, j'aime bien, moi, ces trucs-là. Ce week-end, sinon, vous pouvez aller au théâtre, si vous préférez, rester à l'abri. La pièce L'Échappée Belle se jouera au théâtre du Grand Orme le 22, 23 et 24 juillet à 20h30. C'est une comédie d'Emmanuel Faventine à partir de 6 ans. Donc c'est pour tout le monde. Ouais, tout le monde peut y aller, quoi. Voilà. C'est ça que tu veux dire. Tout à fait. Si on peut y aller en famille. Et puis samedi, bien sûr, le 20e anniversaire de la Jarry, le groupe d'Orient qu'on attend. Mes potes. Ça jouera au Parc du Pouty, là, Olivier, dans le cadre de la Bamboche, à 21h30. Donc allez-y, sans faute. Ouais, même s'il fait pas très beau, c'est pas grave, sous la flotte. Avec un kawé, avec une casquette, ouais, c'est bon. Ouais, un kawé, moi. Un kawé, tu vas nous rajeunir. Autour de la taille, là. Quelle couleur il était, le tien? Je crois qu'il était bleu marine, je crois. Moi, je crois qu'il était orange, moi, je crois. Ouais. Le col roulé aussi, on avait fait le col roulé. Les soupules. Ah, ça pique. Ah, les soupules, les pantalons en velours. Ah, c'était casse-bonbon, ça. Ah, là. Ça grattait. Et la cagoule. As-tu eu la cagoule? Ouais, fous ta cagoule. Allez. On continue. Si samedi soir, vous êtes du côté de Jargeau, eh bien, il y aura Clément Chouteau en concert à Jargeau Plage à 20h30. Ah, ouais, d'accord. Ça marche, Jargeau Plage? Ça va? Il y a du monde un peu? C'est parti lundi, ça commence. Ouais. C'est toujours un événement sympathique parce que c'est pareil, là aussi, c'est familial, hein. C'est au bord de la Loire, il y a des jeux, il y a des concerts, il y a de quoi manger, boire un coup, vraiment. Ouais, on peut picoler un peu quand même. C'est un bon moment à passer. On peut picoler quand même là-haut. Avec modération, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah, attends. Et puis, vous êtes du côté de Beaugency samedi soir, à la cabane, vous avez le groupe Caméléon qui jouera à 20h30. Caméléon, j'aime bien ce groupe-là, ouais. Et puis, vous êtes une femme, vous êtes sur Orléans samedi, vous invite à aller au Trophée La Rose des Sables à l'île Charlemagne. Ouais, sympatoche aussi. C'est un tournoi de beach rugby féminin organisé par l'association Orléans Rose Sportive et c'est de 9h à 20h. Ah d'accord, ok. Bien sûr, on peut aller supporter si on veut. J'adore. Dimanche, si vous avez envie de vous promener, de flâner, eh bien, allez du côté de Vielle-en-Val pour les artistes dans l'herbe. C'est un parcours de 7 km à la découverte d'artistes et d'œuvres dans Vielle-en-Val. Ouais. Départ libre entre 9h et 15h, place de l'église. D'accord, ok. Si vous voulez aller boire un petit coup du côté de la Bamboche à Olivet, dimanche. Ah, du côté du préfet. Eh bien, Batlick se produira vers 19h30. D'accord, je vais y aller aussi, tiens. Et puis dimanche après-midi, si vous voulez vous mettre au frais au parc floral de la Source, il y a la conférence débat autour des pommes, des poires et des pêches. Les Scooby-Doo. Et les Scooby-Doo, des vergers d'hier à ceux d'aujourd'hui, une vocation fruitière qui perdure. Ça se passera à 15h30 au parc floral de la Source. Pas mal. Et puis ce week-end aussi, du côté d'Orléans, à la galerie Empreinte, vendredi, samedi et dimanche, le nouvel artiste signé Louis Stecken vous présentera son exposition 360. Vraiment une expo à voir. C'est sur quoi? C'est de la peinture? C'est de la peinture, c'est de la peinture. Ah ouais, elle est sympa. La fille qui est venue la semaine dernière nous parlait de peinture. Oui. Ouais, elle était sympa, elle. Léa Pastelliste. Ouais, c'est ça, tu la connais? D'Olivier. Ben, elle est, je l'ai vue la semaine dernière. Tu l'as vue où? Dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, bien sûr, oui, dans le matinal de Francky. C'est vrai que t'étais là. Est-ce que, moi, je suis... Et puis, ce week-end, à la Ferté Saint-Aubin, au château de la Ferté, la Garden Party, vendredi et samedi soir, bien sûr. C'est bien, ça? C'est pas mal, c'est plutôt électro. Entre 19h30 et 2h du matin, vous avez 3 ou 4 DJ par soirée. Vraiment, après, allez-y. Il faut aimer l'électro. Faut aimer. Mais généralement, le cadre est magnifique. C'est sympa, derrière le château. Et puis, ouais, comme tu dis, si tu aimes l'électro, bah, voilà, c'est là qu'il faut être. Ce soir, petite info de dernière minute. Et là, je pense à notre ami Cyril, qui est Cyril Guénaud, qui était, qui a commencé à Arc-en-Ciel. C'était chez nous, c'est moi qui l'ai lancé d'ailleurs. Bien sûr, bah, vanter, chroniqueur, mais... dans la matinale de Francky. Ouais, il faisait le football. Eh bien, ce soir, au parc de, au Boudil. Au parc des sports de la Source, au stade de la Source, pardon. Ouais. Le PSG va venir jouer un match amical. Ah ouais. Oh, putain. Oh, merde. Ce soir, PSG contre le FC Augsburg. Augsburg. Ce soir, à 19h, bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, le pass sanitaire est obligatoire. Ah, la merde. Et puis, samedi, le PSG jouera contre Genoa CFC. À 19h. Oh là là là là là, c'est du lourd ça. Donc si vous voulez avoir des bons matchs, eh bien ce soir, ça peut être l'occasion de voir quelques joueurs du PSG. Ouais, bah c'est pas mal ce que tu as comme programme là. Bah écoute, pour l'instant, j'en ai pas plus que ça. Mais on a du théâtre, on a de l'expo de peinture, on a de la musique, on a des balades, on a des conférences. Vraiment, du spectacle, son et lumière, de l'électro. Ouais. Et ben c'est tout ça, c'est ça que c'est bon hein. Et puis n'oubliez pas, bah demain, samedi, pas demain, c'est quand samedi, on est quel jour là? Mercredi. On est mercredi 21. Ah, je suis perdu dans les jours. Mercredi. La Jari seront au Poutil, au parc du Poutil, hein, la Jari qui ont tourné leur nouveau clip à Chingy. Oui. Alors ce qui est énorme, c'est que c'est une demande des maisons de disques américaines. Chingy va apparaître sur les écrans aux États-Unis. C'est un truc de fou. Yes. Ah, c'est excellent. On est des stars, hein. Ah bah écoute. Grâce à Benoît, là j'arrive d'ailleurs. Ouais, on salue. Voilà, salut Benoïd. Bon Fabien, on se va dire au revoir dans 10 minutes. Ouais, ça marche. Bouge pas, hein, tu restes. Je ne bouge pas. Tu bouges pas. 1, 2, 3, soleil. C'est pas mal, on me dit, hein, sur les réseaux sociaux. La garden party. Ouais, c'est quoi, c'est une partie de jardin, en fait, hein. c'est ça. Bah, c'est un peu l'esprit de ce qu'il y avait le 14 juillet à l'Elysée, les garden parties là, dans le jardin de l'Elysée. Avec tous ses potes là. Donc là, c'est dans le jardin du parc de château, de la Ferté Saint-Thomas. Oui. On boit du champagne. On boit du champagne. Sans alcool. On boit des jus de fruits aussi. Ouais, c'est interdit l'alcool. Hein. Hein, donc c'est vendredi et samedi. Ah d'accord. Bon, et samedi, il y a un artiste que t'aimes bien, je crois. C'est qui? Chouchou Club. Ah, Chouchou Club. Ah, j'aime bien celui-là. J'aime bien. Et lui joue à 19h. Il ouvre les portes samedi soir. On était dans le groupe Locomotive à l'époque. Ouais, ouais, ouais, c'est ouais. Ça. Ouais, Chouchou et Locomotive ensemble. Chouchou et Locomotive. Ouais, c'est un grand groupe ça. On est heureux de vous retrouver ce matin. Fabien Dumas, c'est quoi le programme du week-end pour toi? Eh ben, moi, je travaille. Ah, tu travailles? Je travaille, samedi matin, probablement. Ouais. Mais parce que je voulais, samedi soir, je vais à la Bamboche voir la Jarry. Ah ouais, tu vas samedi? Ouais. Je vais peut-être y passer si j'ai le temps entre deux trucs. Je vais voir. Bah écoute, vraiment rapide. Hein. Rapidos, en coup de vent. Rapide comme l'éclair, Fabien Dumas, mais merci. On se revoit quand la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, mercredi, non. Non, je suis en vacances. Ouais, on va dire ça comme ça. Ah, tu as manqué alors, mince. Oh là, comment je vais faire sans toi, mon ami Fabien Dumas? Bah après, ça peut être le jeudi, hein, éventuellement. Ah, le jeudi, ouais. Bah ouais. Hein? Ah ouais, ouais, d'accord. Ah, tu seras là jeudi, ouais. Ouais, j'ai une journée de vacances en fait. Bon bah, ah d'accord, une journée de vacances. Bon, il y a Victor qui arrive, il est dans les studios là, il est en train de. Au taquet, il est prêt là. Je ouais, avec le tableau, il... là, les accents. Ça commence ça fume, ça. Il est... La main sur le micro presque là. Hein, ah et... ouais. Et je regarde le tableau des absences, il y a personne en fait. La radio, tout le monde. Tout le monde est absent. Vacances. Et en même temps, le mois de juillet, en même temps. Ouais, c'est on vrai. Est en plein mois de juillet. En plus, temps. C'est le mois d'août, là, les Portugais vont se barrer au Portugal. Hein. Bah, ouais, tous les mois d'août, hein. Victor, il va au Portugal, Victor. Ah oui, oui. Ah bah voilà, tu vois. Hein. Il est derrière moi, là. Il attend le micro. Hein. Mais je vais pas lui rendre tout de suite. Hein. Avant 9h, la pub qui arrive, bien sûr, bah, il faut vivre. Faire vivre un voilà, peu. Voilà, voilà. Donc moi, bah, aujourd'hui, tranquille, hein, au soleil, je vais me faire bronzer sur un transat. Ouais, j'ai vu ça déjà hier soir, un peu, t'as bronzé un peu. Hein. Ouais, j'ai bronzé un peu là. Ouais, ouais, ça se voit un peu là. Beau gosse. Ouais, beau gosse. Ouais, sympa. Ouais. Bon, bah ok. Bah Victor, il est là, hein, il se prépare. Hein. Il est prêt. Il est prêt dans les starting blocks de la radio. Hein. On va se quitter, malheureusement. Très bien. Merci. C'est pour mieux se retrouver demain. Ouais, demain, jeudi, tu seras là. Fabien, à tous les jours. Merci Fabien Dumas d'avoir fait cette belle chronique sur les sorties culturelles de la belle ville d'Orléans et ses alentours. Et ses environs. J'ai pas fini, tu m'as volé le mot. Bonne journée au sabre laser. Bonne journée à toi. Je vais faire une photo de toi, comme ça je l'ai sur les réseaux sociaux. Ça me dérange pas. Écoute, ça me dérange pas. Tellement beau gosse. Voilà. Arrête, arrête, une flatte. Les meufs, elles vont tomber dessus ce matin. Ah, t'as Victor qui est en train d'être. Ah, il est jaloux, hein. Il est jaloux, il est jaloux. Il est beau gosse. Mais aussi, il est pas mal, hein. Il est beau gosse, ouais. Ah, c'est pas mon style, mais bon. Ah, c'est marrant, regardez, bas dans les poches, t'as vu, t'as. Décontracté. À l'ancienne. La classe. Hein. Ouais. C'est bien, les animateurs, quand même, comme ça, les bas dans les poches, les doigts dans le nez. Pas de pression. Pas de pression. Allez, salut Fabien Dubard. Salut Franck. Salut Franck Le Maire. Salut Franck Le Maire. La radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Pam, pam. Pourrez-vous faire de bonnes affaires? Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações.